pas de cauchemar. Toujours goûter les poussins, ni sans qu'à posséder. Sa blague est toujours baissée, tu veux essayer posséder. Écrit sans caresse, sans signe, sans qu'à posséder. Rêvant nous passer en fumée à ton OCB. Toujours goûter les poussins, ni sans qu'à posséder. Sa blague est toujours baissée, tu veux essayer posséder. Écrit sans caresse, sans signe, sans qu'à posséder. Rêvant nous passer en fumée à ton OCB. Des pipites, c'est nous en meurtre. Sexe, drogue et meurtre, on bouscule nos valeurs. La haine grandit dans nos cœurs, à la recherche du bonheur. On côtoie le malin qui nous pousse vers le malheur en utilisant nos peurs. Toujours rester fort, c'est ça la grandeur. Ne pleure pas sur ton sort, quelle que soit l'ampleur. Paradis ou enfer, liberté ou désenferme. Cœur de pierre, mental enfer, j'suis guadeloupéen et fier. Toujours goûter les poussins, ni sans qu'à posséder. C'est blague est toujours baissé, tu veux essayer posséder. Écrit sans caresse, sans signe. Qu'on s'en qu'à posséder. Rêvant nous passer en fumée à ton OCB. Toujours goûter les poussins, ni sans qu'à posséder. Sa blague est toujours baissée, tu veux essayer posséder. Écrit sans caresse, sans signe, qu'on s'en qu'à posséder. Rêvant nous passer en fumée à ton OCB. Rêvant nous passer en fumée, espoir la partie en virée. RIP et bas, c'est là qui pas qu'à jamais vous virer. Mon acte empiré, problème qu'empilé. Sentiment nous en miettes, qu'en nous qu'on glace pilé. Courir de yé billet, tout le monde avait brillé. Mais où la qu'a tourné qu'on barilé. Où savent ni yon long vie sauf si qu'a non la scié. Dès les guadans enneigé, mais c'est pas né yon qu'a skié. Toujours goûter les poussins, ni sans qu'à posséder. Sa blague est toujours baissée, tu veux essayer posséder. Écrit sans caresse, sans signe, qu'on sans qu'à posséder. Rêvant nous passer en fumée à ton OCB. Toujours goûter les poussins, ni sans qu'à posséder. Sa blague est toujours baissée, tu veux essayer posséder. Écrit sans caresse, sans signe, qu'on sans qu'à posséder. Rêvant nous passer en fumé à ton OCB. Zabla business séduit ou des timo doux à l'oreille. Réfléchis si via ou ça ou accompli la veille. Pas de rêve que des cauchemars. Jurez le réveil. Si ou bise fait somme, évitez pour sommeil. Toujours été solide, oui toujours été raide. Poussé vers la folie, non t'es temps faut pas ou peine. Même si ou criez à l'aide, yo pied qui t'en amène. C'est yé qui n'l'est ou bien que yo bise bas la main. Toujours goûter les poussins, ni sans qu'à posséder. Zabla qui toujours baissé, tu veux essayer posséder. Écrit sans caresse, sans signe, qu'on sans qu'à posséder. Rêvant nous passer en fumée à ton OCB. Toujours goûter les poussins, ni sans qu'à posséder. Sa blague est toujours baissée, tu veux essayer posséder. Écrit sans caresse, sans signe, qu'on sans qu'à posséder. Rêvant nous passer en fumée à ton OCB. Yeah, yeah. Check. Qu'on sans qu'à posséder.